بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. On se retrouve par la grâce d'Allah dans ce nouveau séminaire organisé par Markez Al-Ghuraba Waffaqahum Allah, qui s'intitule La jurisprudence du foyer musulman. Et il m'a été confié la tâche de parler d'un sujet très délicat de par son importance, et ce sujet n'est autre que l'éducation des enfants. Tout d'abord, il faut comprendre que les enfants font partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il accorde à qui il veut. Allah nous dit, surat Shura 42, verset 49, لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Traduction du sens des versets. Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, il fait don de fille à qui il veut et don de garçon à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçon et fille, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Et comme face à tout bienfait, le musulman se doit d'être reconnaissant envers son Seigneur. Comment cela se concrétise-t-il? Tout d'abord, être reconnaissant par son cœur. Savoir que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, comme il le dit surat An-Nahl 16, verset 53, « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » c'est-à-dire « Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah ». Ensuite, être reconnaissant avec la langue, en le remerciant lui seul de lui avoir accordé cet énorme bienfait qu'est l'enfant. Et en dernier, être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par les actes. Et ici, je précise que l'on parle bien des actes de reconnaissance que doivent faire les responsables de l'enfant, qui sont le père et la mère. Il faut savoir tout d'abord qu'Allah Azza wa Jal nous a créés et a créé toute l'humanité pour un but bien précis qu'est son adoration. Allah dit, Surat Dhariyat 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans d'autres versets, Surat al-Mulk 67, au début, Wallah dit Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Voilà le but de notre création. Rien ne doit interférer entre nous et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore moins par une chose qu'Allah lui-même nous a accordée, subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah nous a enjolivé certaines choses de la vie mondaine. Comme Allah le dit lui-même, Surat Ali Imran 3, verset 14. Où Allah dit « Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth. Dhalika mata'u al hayati al dunya wallahu indahu husnul ma'ab. » On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Toutes ces choses qu'Allah a créées et a enjolivées peuvent être à la fois une source de bonheur comme une source de malheur. Tout dépend de la manière avec laquelle nous les éduquerons en ce qui concerne les épouses et les enfants et la manière dont nous les utiliserons en ce qui concerne les biens tels l'argent, les appartements, les voitures, etc. En ce qui concerne les enfants, car tel est le sujet de cette conférence, on ne peut rentrer dans ce sujet sans évoquer l'importance du choix de l'épouse. En effet, il est inconcevable de parler d'enfant sans parler d'épouse. Un enfant ne naît qu'à partir d'une union entre l'homme et la femme. Et une éducation saine ne peut venir qu'avec la présence d'un père et d'une mère. Allah dit surat An-Nahl 16 verset 72 Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses et de vos épouses il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il vous a attribué de bonnes choses. Croit-il donc au faux? Et nie-t-il le bienfait d'Allah? Des choses élémentaires que tout le monde sait, mais qu'on est obligé de répéter à cause de la propagande actuelle qui essaye avec acharnement de modifier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous a averti, surat Nisa 4, milieu du verset 119 wala amurannahum fala yughayyirun khalqallah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah, et quiconque prend le diable pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Ils connaissent l'importance des enfants et de leur éducation. Ils ont donc détruit le cocon familial. Depuis la création d'Adam, alayhi salam, jusqu'à nos jours, l'homme était celui qui travaillait et il devait subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Pourquoi cela ? De par les qualités physiques qu'Allah lui a accordées. Allah nous dit surat An-Nisa 4 verset 34 Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisaa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Telle est la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce même Seigneur qui dit dans la même sourate, verset 19, au milieu, « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » et « comportez-vous convenablement envers elles ». L'autorité n'est pas et ne doit pas être compris comme étant la permission de commettre des injustices. Au contraire, toute personne qu'Allah nous a donné autorité sur eux, on se doit de craindre Allah envers elle, que ce soit les femmes et les enfants. En ce qui concerne les maris, pareil pour l'autorité qu'Allah a donnée aux mères vis-à-vis de leurs enfants. Voilà en ce qui concerne le couple dans toutes les communautés précédentes et en islam. Pour casser ce cocon, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à donner de plus en plus de pouvoir envers les femmes. Exactement la même manière qu'ils font maintenant avec les enfants. Ils veulent détruire toute autorité. Cela a commencé en faisant travailler les femmes et les sortir hors de leur foyer, sans raison religieuse valable. Ensuite, l'appel à l'égalité entre les hommes et les femmes, chose qui a plu à bon nombre de musulmanes, wallahu al-musta'an. Mais tel n'était pas le but des sataniques. Ceci n'était qu'une étape pour arriver là où on en est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme peut se marier avec un homme et qu'une femme peut se marier avec une femme. Et qu'un homme peut devenir une femme et qu'une femme peut devenir un homme. Jusqu'à que certains, dans leur folie, ne savent même plus si ce sont des hommes ou bien des femmes. Wallahu al-musta'an. Une fois cette supercherie découverte, les gens commencent à se réveiller, mais il est trop tard. Ils ont accepté la première étape. Et les voilà rentrés dans un engrenage que seul celui qu'Allah a sauvé pourra en sortir indemne. Il faut donc d'abord retourner et retrouver la nature saine avec laquelle Allah Azza wa Jal a créé les humains. Donc, en ce qui concerne le choix de l'épouse afin d'avoir une progéniture pieuse, bi-idnillah, on se doit de rechercher avant toute chose la piété de cette femme, comme nous a conseillé le prophète Ali salat wa salam d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Tunkahu al-mar'atu li arba' li malha wa li jamalha wa li hasabha wa li dinha fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. La femme est épousée pour 4 yani raison: sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa piété. Et le prophète ensuite de dire, alayhi salatu wassalam, choisis celle qui est pieuse. Et taribat yadak, expression ici qui montre l'importance de cette chose. Et ce sont ces femmes-là qu'Allah a louées dans le Coran, surat Nisa 4, milieu du verset 34. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Ces femmes-là vont tout faire pour ressembler aux femmes du prophète Ali salat wa salam et non aux chanteuses et influenceuses. Et elles vont les concurrencer dans l'obéissance aux ordres qu'Allah leur a donné, comme surat al-Ahzab 33 verset 32. Ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin min an-nisaa in ittaqaytun fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme si vous êtes pieuses. Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas et tenez un langage décent. Et restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Accomplissez la salat et acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et veut vous purifier pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui est dans vos foyers et récitez des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Et c'est ces femmes-là qui vont comprendre la parole du prophète alayhi salatu wassalam an ibn Umar. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. Traduction: chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. La femme pieuse comprend et accepte la place qu'Allah lui a donnée dans le couple et va faire toutes les causes afin qu'Allah lui accorde une descendance pieuse. Parmi les causes délaissées par beaucoup de musulmans, par exemple, l'invocation lors du rapport. Il est venu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignant ce qu'il faut dire avant. Le hadith est d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. C'est-à-dire, si l'un de vous, avant les rapports sexuels avec sa femme, dit au nom d'Allah, ô Allah, éloigne de nous le diable et éloigne-le de ce que tu nous accorderas. Si Allah leur prédestinait de faire un enfant cette nuit-là, alors le diable ne lui nuirait jamais. Hadith magnifique qui fait partie des plus grandes causes pour avoir un enfant pieux, bi'idnillah. Et en tant que berger ou bergère, cette invocation peut être schématisée dans une prairie comme étant l'enclos qui protège les moutons contre tous ses potentiels ennemis, que ce soit le loup ou autre prédateur. Et en ce qui nous concerne, cela protégera l'enfant bidnillah de toute attaque de Shaitan, l'ennemi déclaré de l'homme. Et Shaitan, comme Allah nous en a informé, son but ultime est d'égarer les humains. Sourate Al-Isra 17, verset 62. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Il dit encore, c'est-à-dire Iblis, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux, Et Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Voilà présenté dans ces versets nos ennemis et ceux de nos enfants. Leur but principal est de nous égarer. Et la rétribution de ceux qui obéissent à Iblis, comme Allah le dit, c'est quoi? C'est l'enfer. Donc notre priorité en tant que parents est de préserver nos enfants du châtiment du feu. Allah nous dit, surat Tahrim 66, verset 6, « Ya ayyuhalladhina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum nara. » Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Quelles sont les causes pour y parvenir? L'obéissance à Allah et à son prophète, alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, Shaitan va tout faire pour nous faire dévier de ses enseignements. Donc, celui qui sera attaché au texte religieux sera sauvé. Tandis que ceux qui aiment bien philosopher et écouter des paroles enjolivées de la part d'ennemis de l'islam, cette personne malheureusement sera perdue, qu'Allah nous en préserve. On va énumérer maintenant une série de textes qui sont venus et qui concernent les enfants. Et à chacun d'entre nous de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Parmi les textes qui sont venus, le hadith an Abi Hurayra radiyallahu anhu قال أخذ الحسن بن علي radiyallahu anhuما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. C'est-à-dire, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma prit l'une des dattes réservées à l'aumône et l'a mis dans sa bouche. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, attention, attention, jette-la, ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas les aumônes? Et dans un autre hadith, pour faire le parallèle, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. Anas radiyallahu anhu rapporte, j'ai servi le prophète صلى الله عليه وسلم durant 10 années et jamais il ne me dit fi par mépris, ni ne me dit pour une chose que j'avais faite, pourquoi as-tu fait cela, et ni pour une chose que je n'avais pas faite, pourquoi n'as-tu pas fait ainsi. On tire de ces deux hadiths réunis qu'il faut être doux envers nos enfants et ne pas leur reprocher le moindre fait et geste, surtout en ce qui concerne les choses de la vie mondaine, à l'inverse des choses qui touchent le religieux. On a vu que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné Al-Hassan, son petit-fils, d'enlever une date de sa bouche qu'il voulait manger car elle leur était interdite. Et malheureusement, c'est exactement l'inverse qu'il se passe chez les gens de nos jours. Tout ce qui touche la religion, on le néglige ou bien on entend des gens dire « il est encore petit ». Tel le fait d'habituer les enfants de manger ou de boire de la main droite par exemple. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La ya'kul ahadukum bishimalih wa la yashrab bishimalih fa inna ash-shaytana ya'kul bishimalihi wa yashrabu bishimalih » C'est-à-dire, si l'un de vous mange, qu'il le fasse avec sa main droite, et s'il boit, qu'il le fasse avec sa main droite, car le diable mange et boit avec sa main gauche. Ce hadith, normalement, devrait suffire pour que les gens cessent de manger de la gauche et d'enseigner à leurs enfants de manger de la droite. Mais on rajoute encore un autre hadith venant expliquer ce qu'implique le fait de manger de la gauche. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. Lorsque l'homme rentre chez lui et qu'il évoque Allah avant de manger, le diable dit à ses acolytes: cette nuit, point d'endroit pour dormir ni de quoi dîner. Quel musulman aimerait s'associer à Shaitan lors de son repas ainsi que celui de ses enfants? Et parmi les exemples de notre négligence aussi, la parole du prophète alayhi salatu wassalam: إِذَا غَرُبَتِ الشَّمْسُ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَنْتَشِرُ فِيهَا الشَّيَاطِينَ. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque le soleil se couche, gardez vos enfants, car c'est une heure durant laquelle les diables se dispersent. Et parmi les exemples aussi, et ils sont nombreux, la parole du prophète alayhi salatu wassalam: Muru abna'akum bis salat wa hum abna sab' wa dribuhum 'alayha wa hum abna 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. C'est-à-dire, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les pour elle à 10 ans et séparez-les dans les lits, c'est-à-dire entre les filles et les garçons. Les parents, malheureusement, sont négligents envers leurs enfants à leur plus jeune âge. Alors qu'en islam, on a pu voir à travers tous ces hadiths qu'il est de notre devoir de préserver nos enfants, et en particulier dans ce qui touche la religion. À l'inverse de beaucoup de gens qui malheureusement ont préféré délaisser les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam pour les confier à qui? Pour les confier aux dessins animés qui leur enseignent, dans la majorité des cas, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala et les multiples turpitudes qui existent à notre époque. Et cela ne gêne personne, wallahu al-musta'an. Ou encore, il les confie à des écoles qui leur enseignent des choses qui contredisent directement la religion de l'islam, comme on va le voir. Et cela n'a pas l'air de les déranger plus que cela, qu'Allah nous en préserve. En réalité, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui sont reliés malheureusement et ont été imposés au fur et à mesure du temps en fonction de nos délaissements de la religion. Je m'explique. On a vu quel devrait être le cocon familial en islam. Et on n'a pas parlé des cas spécifiques qui peuvent exister. Nous, on parle en général. Le cocon familial en islam est un père qui travaille et qui est responsable de ses femmes et de ses enfants, et une mère de famille qui est responsable de ses enfants. Pour sortir la femme de chez elle et délaisser son devoir, ils ont inventé l'école. Et c'est l'école, dans notre société actuelle, qui a la plus grande part dans l'éducation de nos enfants, à un point où l'État les considère dorénavant comme étant leurs enfants à eux, et non pas nos enfants. Certaines personnes, en entendant cela, peuvent être choquées. Mais ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont bien eux qui le disent clairement. Le statut de l'école, sans parler de la cause pour laquelle ils l'ont inventé, son statut dépendra des choses qui seront enseignées. Est-ce qu'elle concorde avec les valeurs de notre religion ou pas? Les gens, malheureusement, et comme à leur habitude, ont compris que tardivement la supercherie, car les concessions sur la religion se sont faites petit à petit. Les corps s'est d'abord adaptée aux valeurs chrétiennes en commençant à être non mixte. Et puis à cause de la propagande et du délaissement des valeurs religieuses, elle a imposé la mixité et les enseignements sont de plus en plus contraires aux valeurs religieuses en commençant par la croyance en Allah Azza wa Jal qui est devenue une chose totalement délaissée, voire moquée et remplacée par ce qu'ils ont nommé faussement la science. Et comme le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait réagir les gens, ils continuent dans leur propagande jusqu'à arriver là où on en est arrivé aujourd'hui. Et on commence à entendre des gens se plaignant de l'enseignement accordé dans ces écoles. Pourquoi ? Non pas parce que cela a touché le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle était bafouée depuis bien longtemps, mais quand ils ont commencé à toucher à des choses qui les dérangeaient particulièrement, tel l'enseignement de la sexualité dès le plus jeune âge. Donc avant de parler de l'éducation des enfants, on se doit de récupérer tout d'abord la garde. Ce sont des termes terribles, mais qui concordent malheureusement avec la réalité. Méditons un instant sincèrement sur notre situation. Nos enfants naissent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, certaines personnes, à partir de leur naissance, ils leur trouvent une nourrice. Ceux qui font partie des cas minoritaires, à eux de trouver une nourrice qui a des valeurs religieuses et non pas la première trouvée sur les petites annonces. Première chose. Ensuite, dès l'âge de 3 ans, ils entrent dans la fameuse école dont ils ne cessent d'avancer l'âge pour y rentrer. Le seul moment où l'on pourra profiter des enfants sera le soir et les week-ends qui se dérouleront forcément dans les parcs de loisirs et de repos étant donné qu'ils ont passé une semaine harassante. Et cela bien sûr si les parents sont encore restés mariés, car tout est fait pour la destruction des couples et du cocon familial. L'heure est grave, mais on va évoquer, inshallah, certaines causes qui peuvent nous permettre de s'en sortir. La première est la prise de conscience. Savoir que l'heure est grave, mais qu'il n'est jamais trop tard et qu'Allah Azza wa Jal est capable de toute chose. En l'invoquant sincèrement, subhanahu wa ta'ala, d'améliorer notre situation. Et bien sûr, de faire les causes qui nous permettront de rétablir la situation, bi'idhnillah. Il faut savoir que, wallahi, si nous sommes sincères dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant toutes les causes qui sont dans notre capacité, Allah Azza wa Jal sauvera nos enfants. Et en ce qui concerne les causes, tout dépendra de la situation de la personne qui écoute. S'il s'agit d'une personne non mariée, à elle de chercher le conjoint qui conviendra pour concrétiser l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi salatu wassalam dans tous les domaines de la vie et en particulier, car c'est le sujet de notre conférence, l'éducation des enfants. Si par contre la personne est mariée, à elle d'éduquer son conjoint en lui enseignant les règles de la religion. Et s'ils ont des enfants, d'atténuer le mal comme ils peuvent jusqu'à qu'ils trouvent une solution, même si cela doit les emmener à changer de quartier, de ville ou bien même de pays. Ces enfants sont une MNA, on doit tout faire pour les sauver du feu de l'enfer comme Allah nous l'a ordonné. Des gens le font bien pour préserver leur argent. Ils se déplacent, ils changent d'endroit, ils changent de ville, ils changent de pays. Comment pouvons-nous rester insensibles alors que l'on voit nos enfants de nos propres yeux sortir de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi salatu wa salam en prétendant ne pouvoir rien faire? Il faut au contraire agir et tout faire pour être des modèles à suivre pour nos enfants, les ayant placés dans les meilleures conditions afin qu'ils acceptent nos différents conseils. Et parmi ceux-ci, ce qu'a dit Luqman, Rajul Salih, cet homme pieux, à son fils, sur la 31, Luqman, verset 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. » Voilà la première chose à enseigner à notre enfant une fois qu'il arrive à l'âge de discernement. Son appel à l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et de ne vouer aucune sorte d'adoration à autre que lui, car c'est la pire des injustices. Et c'est exactement ce qu'a conseillé le prophète alayhi salatu wassalam à Ibn Abbas dans le hadith connu. Ibn Abbas radiyallahu anhu raconte: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. Ibn Abbas raconte qu'il était dans une monture derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète de lui demander: ô jeune homme, ne vais-je pas t'apprendre des paroles par lesquelles Allah va te profiter? Cela afin de lui attirer l'attention. Ibn Abbas de dire: certes si. Et ensuite le prophète de dire: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Traduction: préserve Allah, c'est-à-dire ses injonctions, ses ordres et ses interdits, Allah te protégera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Il le protégera et ne l'abandonnera pas, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, de lui inculquer l'unicité d'Allah en lui disant: lorsque tu demandes, demande à Allah, yani seul. Lorsque tu sollicites de l'aide, sollicite celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ceci afin que l'enfant grandisse en ressentant le besoin qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander ce qu'il a besoin et de lui demander l'aide dont il a besoin. Une fois le cœur attaché à son Seigneur, il sera impossible bi'idhnillah pour cet enfant de délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam de rajouter à Ibn Abbas et de lui dire: wa'lam anna al-umma law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay' لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ورفعت الصحف. Traduction: sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bénéfice, elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. Et si elle se liguait pour te nuire, elle ne pourrait y parvenir que pour une chose qu'Allah a décrétée en ta défaveur. La plume est levée et les pages ont séché. Regardez la qualité des conseils que l'on faisait à ce que l'on considère maintenant comme étant des enfants. En réalité, et c'est ce qui a été voulu par les systèmes, les jeunes de notre époque sont irresponsables. Et c'est aux parents de nos jours de les responsabiliser et de leur faire comprendre qu'à partir du moment où ils sont pubères, et cela varie d'un enfant à un autre, ils doivent être considérés comme des adultes responsables. Et comment douter de cela alors que commence à cet âge-là le compte de ses mauvaises actions, alors qu'auparavant, seul le compte de ses bonnes actions était noté. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et éduquons nos enfants à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Responsabilisez-les dès le plus jeune âge en ce qui concerne les choses de l'au-delà et soyez doux et complaisants avec eux sur les erreurs qu'ils peuvent faire en ce qui concerne la vie mondaine. Nous avons évoqué dans ce qui a précédé les devoirs des parents envers leurs enfants côté religieux. Et on va voir aussi que les parents sont responsables dans certaines choses touchant leur vie mondaine également. Parmi celles-ci, le droit à la vie. Nul n'a le droit de tuer ses enfants, filles ou garçons, comme cela était le cas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Certains tuaient particulièrement leur fille à cause de la honte que cela provoquait à leur époque. Allah il nous dit, Surat An-Nahl 16, verset 58. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Il les enterrait vivantes, wallah al-musta'an, alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: Man kana lahu thalath banat yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahu al-jannah al-batta. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين قال وإن كانت اثنتين قال فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. C'est-à-dire, quiconque a trois filles les héberge, leur montre miséricorde et soutien, le paradis est définitivement garanti pour lui. Et là, quelqu'un demanda au prophète, qu'en est-il si elles n'étaient que deux filles seulement? Il lui a répondu, alayhi salatu wassalam, il aura cette même récompense, même si elle n'était que deux seulement. Certains parmi ceux qui assistaient à cette assemblée pensaient que si on avait interrogé le prophète au cas d'une fille unique, il aurait répondu que la récompense serait également pareille. Regardez où nous mène l'ignorance et le fait de se soucier du regard des autres. Tuer des filles, nos propres filles, alors qu'elles sont une cause bidnillah pour nous d'entrer au paradis. Et faisait aussi partie des mauvaises coutumes des Arabes de tuer leurs enfants, en général par peur de pauvreté, comme Allah nous le dit, subhanahu wa ta'ala, leur interdisant cet acte infâme. Sourate Al-Isra 17, verset 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Et dans un autre verset, Sourate Al-An'am 6, milieu du verset 151, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Et ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Le premier verset, c'était par crainte de pauvreté. Et le deuxième, en cas de pauvreté avérée. Il est interdit dans les deux cas de commettre cet acte immonde. Certains pourraient croire que cette époque est révolue, mais au contraire, il existe bel et bien ce cas-là à notre époque qui se nomme l'avortement. Voilà pourquoi il est strictement interdit de se faire avorter une fois que l'âme a été insufflée. Et parmi les choses qui contredisent aussi la voix du prophète, le fait de se contenter d'un ou de deux enfants, prétextant la difficulté de la vie et prétendant ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors que, comme on l'a vu, c'est Allah qui les nourrit ainsi que nous-mêmes. Et le prophète alayhissalam nous a dit: Takatharu fa inni mubahin bikum al-umam yawm al-qiyamah. Multipliez-vous, car votre nombre sera une source de fierté pour moi devant les autres communautés. Voilà pour ce premier droit des enfants concernant la vie mondaine. Deuxième droit, l'allaitement. Allah nous dit, surat al-Baqarah 2, verset 233, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Et les mères allaiteront leur bébé 2 ans complets pour ceux qui veulent donner un allaitement complet. Combien de mères, wallah al-musta'an, privent leurs enfants de cet énorme bienfait sans raison valable, alors qu'elles en sont capables. Elles préfèrent même leur donner le lait industriel qui ne sera jamais comme le lait de la mère. Et forcément, cela ne sera pas sans conséquence pour cet enfant qui aura été privé injustement du lait qui lui est approprié. Et dans le même sujet, l'alimentation que l'on doit donner à nos enfants une fois le sevrage terminé. Beaucoup de parents, malheureusement, nourrissent leurs enfants uniquement de produits industriels et des produits transformés qui ne sont pas sans risque pour les enfants, comme cela a été prouvé. La malbouffe fait des ravages chez ces personnes de bas âge. Combien ont été éprouvés par des maladies qui étaient inexistantes avant l'arrivée de ces produits? On parle de diabète, de cancer, wallah musta'an, à un âge précoce. Tout cela peut rentrer dans le verset où Allah nous dit « Wala taqtulu anfusakum » qui se traduit par « Et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. » Tâchons donc de nourrir nos enfants des meilleures nourritures qu'Allah a créé pour nous, subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, si on médite bien sur tous les problèmes que l'on rencontre dans l'éducation religieuse des enfants et leur épanouissement physique, tous sont reliés au fait que la mère n'est plus dans son foyer. Elle va donc négliger leur éducation religieuse en les emmenant à des écoles, leur inculquant souvent des choses contraires à nos valeurs. Et en ce qui concerne leur épanouissement physique, elle n'aura plus le temps de leur cuisiner des choses naturelles et se contentera des choses industrielles, des choses faciles à cuisiner à cause du manque de temps. Wallah al-musta'an. Et les méfaits de la sortie de la femme sont longs, étant donné qu'elle n'a plus le temps, elle va tout faire pour donner des occupations à ses enfants, sans regarder le statut religieux d'une part, et sans savoir quelles sont les répercussions aussi sur la santé de cet enfant d'autre part. Comme on le trouve dans le phénomène des jeux vidéo, des dessins animés et du téléphone portable. Certains parents, Wallah al-musta'an, laissent le champ libre à leurs enfants en ce qui concerne les divertissements et ne surveillent même pas ce qu'ils regardent, que ce soit dans les dessins animés où se trouvent énormément de méfaits tels le polythéisme, la sorcellerie, les péchés capitaux, etc., etc. Il en est de même aussi pour les jeux vidéo, qui, sans parler de leur contenu, tel la musique, etc., sont néfastes pour le cerveau de l'enfant et empêchent son épanouissement. L'enfant qui à son jeune âge a besoin de sortir et de découvrir ce qu'Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, tel les mers, les montagnes, les animaux, les plantations, etc., etc. Et cette découverte se fait avec les cinq sens qu'Allah il lui a octroyés, tels la vue, le toucher, l'odorat, etc., etc. Cinq sens, malheureusement, qui lui ont été atrophiés injustement, ce qui nuira à son développement. Wallah al-musta'an. Il est emprisonné dans le monde virtuel à travers les écrans, et même s'il sort dehors, il sera incapable de méditer, étant donné qu'il a son portable avec lequel il ne peut pas se détacher. Wallah al-musta'an. Cet enfant qui, même chez lui, est interdit du moindre fait et geste. À partir du moment où il commence à bouger jusqu'à son adolescence, les habitations étant de plus en plus petites, il peut donc forcément moins bouger, et rajouter à cela l'excès de décors et de choses superflues qui lui restreignent encore le peu de choses qu'il peut toucher. Il n'a pas le droit de toucher les murs, il n'a pas le droit de toucher les meubles, il a en réalité rien le droit de faire. Wallah al-musta'an. Et j'en profite pour évoquer une faïda, une bonne leçon que m'a octroyé le frère Mourad Abou Mohamed, et qui lui-même l'a prise de l'un de ses enseignants durant la dizaine d'années, Allahumma barik, où Allah lui a permis d'apprendre la science. Et cette leçon est restée gravée dans ma mémoire car elle est très très bénéfique. Chaque faute que commet l'enfant, et en particulier durant leur bas âge, leurs parents ont dessus une part de responsabilité. Si, par exemple, l'enfant touche le portable et le casse, car cela peut être la chose la plus grave qui peut arriver pour nous, Wallah al-Musta'an. Eh bien, avant de s'en prendre à l'enfant, il faut s'en prendre à nous-mêmes qui l'avons mis à sa disposition. Ou bien qui l'avons mis à un endroit de telle sorte qu'il puisse le toucher. Cela permettra, Inch'Allah, d'atténuer notre colère et de s'en prendre au véritable coupable. Qu'Allah nous pardonne. Le temps passe et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette conférence qui mériterait des heures et des heures. Comme on a pu le voir, les problèmes sont nombreux, qu'ils soient d'ordre religieux ou bien même mondain. Nos responsabilités sont grandes à nous d'être à la hauteur, Inch'Allah, et de surtout commencer par les priorités. Et la plus grande priorité est, je le rappelle, notre religion et celle de nos enfants. Tâchons donc de les mettre dans le meilleur environnement possible pour qu'ils puissent appliquer et extérioriser leur religion comme il se doit. Quant aux parents qui ont plus ou moins compris l'importance de la religion et qui ont fait des causes pour préserver leurs enfants, telles l'émigration dans une terre où il sera plus propice pour les enfants d'appliquer leur religion et qui ont investi de l'argent afin de les rentrer dans des écoles musulmanes, etc. Il faut qu'ils sachent que malgré tous les efforts que l'on peut faire pour l'éducation des enfants, لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ à Allah appartient le commandement et au début et à la fin. Regardez le fils de Nuh qui, malgré tous les efforts de son père, est resté dans la mécréance, comme Allah l'a évoqué. Surat Hud 11, fin du verset 42. يَا بُنَيِّرْ كَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ Ô mon enfant, monte avec nous, c'est-à-dire dans l'arche, et ne reste pas avec les mécréants. Et vous connaissez tous la triste fin qu'a eu son fils. On a ici tous les moyens qui ont été fournis pour la guider de cet enfant, mais malgré tout, il a préféré la mécréance. Et il est possible de voir exactement l'inverse, un enfant qui n'a eu aucune cause de guidance, qui a grandi dans la perversion, et Allah choisit par sa sagesse de le guider dans son chemin. Tout cela pour que l'on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on fasse les causes, mais qu'on ne s'attache pas dessus, et que si, à cause d'une rupture, par exemple un divorce, ou bien la séparation entre nous et nos enfants de la part d'une quelconque instance, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est capable de toutes choses en multipliant les invocations. Nas'alullah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir et de nous aider dans l'éducation de nos enfants. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك